passe une nuit à tes côtés, se réveiller dans tes bras et s'abandonner, redécouvrir l'amour et le partager, ne plus être seul, de la solitude faire le deuil, simplement tout doucement commencer à s'aimer. Je veux plus être seul, corps et âme, je suis à toi. Ne plus être seul, plus une nuit trop loin de toi. Je veux plus être seul, corps et âme, je suis à toi. Ne plus être seul, plus une nuit trop loin de toi. Ta peau rend la soif folle de jalousie, ton corps me plonge dans l'insomnie, ta voix provoque en moi une symphonie. Tes cheveux si soyeux caressent les yeux, ta bouche si sensuelle flirte avec le surnaturel. De toi je ne peux me défaire, sans changer d'atmosphère, baby, sans penser à tout refaire, l'idée de toi, je ne peux me défaire. Yeah, baby, l'idée. Je veux plus être seul, corps et âme, je suis à toi. Ne plus être seul, plus une nuit trop loin de toi. Je veux plus être seul, corps et âme, je suis à toi. Ne plus être seul, plus une nuit trop loin de toi. C'est vous et puis moi, nous pas besoin ailleurs, faut que nous était bien pour nous prévoir demain. C'est vous et puis moi, nous pas besoin ailleurs, faut que nous était bien pour nous prévoir. À toi. Ne plus être seul, plus une nuit trop loin de toi. Je ne veux plus être seul, corps et âme, je suis à toi. Ne plus être seul, plus une nuit trop loin de toi. C'est vous et puis moi, vous et puis nous.